Chapitre 2. La fête qui avait suivi la cérémonie d'implantation s'était éternisée et avait privé la princesse de sa première phase de sommeil de la journée. Elle se sentait épuisée, son bras la faisait souffrir, et les événements dans l'oasis l'avaient privée de prendre son bain habituel dans l'étang, ce qui avait le don de lui apporter un coup de fouet revigorant. Sans cette robe, elle se serait effondrée depuis longtemps. Comme elle était l'objet des réjouissances, il lui avait été impossible de s'éclipser en douce, ce qu'elle avait coutume de faire pendant les interminables réceptions mondaines. Un défilé de ministres et autres membres du gouvernement accompagnés de leurs époux était passé devant elle. Zélée avait dû se montrer encore et toujours souriante dans sa robe qui lui écrasait la cage thoracique et ne lui assurait pas le moindre confort. Toute la soirée, elle avait souhaité pouvoir laisser son bras ballant et être en mesure de l'oublier en vain. Zélée n'avait eu de cesse de le crisper, de le plier, de croiser ses bras, de se tordre les mains. Au fil de la fête, elle n'avait pas eu l'impression que la douleur s'estompait. Finalement, quand les derniers invités retardataires s'étaient envolés, elle avait pu gagner péniblement ses appartements, où plusieurs servantes l'extirpèrent de sa robe à l'armature métallique. Délivrée de cette cage de fer, elle s'était écroulée d'aise sur son lit, oubliant une seconde son bras et savourant la libération de son torse. Et alors qu'elle avait cru pouvoir se reposer, la souffrance lancinante était revenue. Avec sa douleur au bras, Zélée n'avait pas été en mesure de totalement abandonner son corps au repos, et à uniquement se concentrer à des tâches virtuelles, comme elle le faisait toujours durant les phases de sommeil, d'un hémisphère de son cerveau. À sa douleur, s'ajoutait sa grande impatience de retrouver l'inconnu du crash, et son envie de découvrir son identité. Elle continuait d'effectuer de multiples recherches en tout genre pour démasquer sa planète d'origine. Lorsque finalement, elle était parvenue à oublier son membre meurtri et que son corps, étendu de tout son long, était devenu inerte, sa mère entra en communication avec elle pour gratifier sa fille de toute sa fierté et lui remémorer la cérémonie qu'elle aurait préféré garder hors de son esprit. Pourtant, cette évocation ne parvint pas à réveiller ni son corps ni sa douleur. Connexion. Fils Zélée, tu as refusé de prendre un antidouleur, à ce qu'elle paraît. Mère Zeninouma, c'est exact? Pourquoi en prendre un maintenant si cela est interdit avant la cérémonie? Je considère que ce serait tricher. Fille Zélée, elle n'y a plus personne à impressionner à l'heure qu'elle est. Tu as pu prendre quelque chose qui t'apaisera. Personne n'en sera informé. Mère Zeninouma, est-ce vous qui me dites cela? Elle faut être droite en toute situation, que cela se sache ou non. Je ne pensais pas vous entendre dire telle chose un jour. Fille Zélée, ne sois pas choquée par ce que je te dis. Tu as bien assez souffert tout à l'heure pour encore endurer de la peine. Tu as symboliquement souffert pendant la cérémonie. C'est là tout ce qui compte. Le dévot et le peuple ne t'en demandent pas plus. Mère Zeninouma, permettez-moi de refuser à nouveau. Fille Zélée, comme tu la souhaiteras, mais sache que tu n'as pas besoin de cela pour davantage m'impressionner. Tu as été remarquable lors de l'implantation. Tu as été parfaite. Je suis infiniment fière de toi. Mère Zeninouma, vous m'envoyez combler. Je vous remercie. Fille Zélée, repose-toi à présent. Tes cours commencent dans peu de temps, et je ne voudrais pas que tu ne sois pas en état d'y prêter attention. Fin de connexion. Le dernier commentaire de la reine fit sourire Zélée, inconsciemment. Prêter attention durant ses cours. Reposée ou exténuée, là n'était pas le problème, et sa mère ne se doutait toujours de rien. Zélée était rassurée de savoir que ses professeurs la couvraient, ou que leur place leur convenait trop pour risquer de la perdre. Après 4 heures de demi-sommeil, elle quitta son lit, étira ses longues jambes musclées, puis voulut faire de même avec ses longs bras fins, mais se ravisa vite. Elle se pencha pour attraper du bout des griffes une pilule de petit-déjeuner dans une boîte raffinée sur la table de chevet, et elle laissa sa salive la dissoudre dans sa bouche avant d'avaler la solution mousseuse. En fin de journée, les cours parurent encore plus interminables à Zélée qu'à l'accoutumée. Incapable d'écouter la leçon du jour, elle enrageait de ne pouvoir continuer ses recherches sur le Rézarque pour identifier l'espèce mystérieuse du pilote. Les recherches effectuées durant son sommeil n'ayant rien donné. Elle mourait également d'impatience de retourner au caractère vert et de voir s'il avait repris connaissance. Finalement, elle trouva une consolation à son manque d'informations en s'imaginant comment se passeraient leurs premiers échanges, ce qu'ils se diraient, et qu'une fois qu'elle l'aurait entendu parler, son implant identifierait immédiatement son dialecte, et elle pourrait connaître son origine. Bien sûr, pourquoi n'y avait-elle pas pensé au moment où elle l'avait trouvé? L'étranger devait être implanté. Elle aurait dû essayer de l'identifier via son implant. Mais comme il était inconscient, peut-être n'aurait-il pas pu répondre. À la réflexion, elle ignorait s'il était possible d'entrer en communication avec une personne implantée ayant perdu connaissance. Elle supposa que non, et espéra qu'elle se rappellerait qu'elle avait une réponse supplémentaire à trouver sur le Rezark dès qu'elle quitterait la pièce. En plus des nouvelles idées de recherche qui lui traversaient l'esprit, Zélie dressa mentalement une liste de ce qu'elle devait apporter à son protégé. Des vêtements, des pilules alimentaires, de l'eau, des pansements et des baumes. Et rien qu'en pensant à cet attirail, elle en oubliait ce qu'elle s'était dit de chercher quelques secondes plus tôt. Comme son implant était temporairement hors d'usage, elle ne pouvait rien enregistrer, et sa mémoire lui faisait défaut. Elle ne se souvenait plus des réponses qu'elle désirait trouver, et maintenant c'était ce qu'elle avait prévu d'apporter qui lui échappait. Elle avait beau se rabâcher la liste, elle ne savait plus où elle en était, recommençait et perdait le fil. À peine fut-elle libérée de la salle de cours, qu'elle se précipita vers ses appartements pour se changer, sans remarquer Mimisha, qui l'attendait adossée à une poutre, cette dernière dut la héler pour se faire repérer. « Princesse Zélie, vous ne m'avez pas vue, je suis là !»« Mimisha ! Oh, excuse-moi, j'étais occupée à rétablir toutes les connexions de mes tâches. » Princesse Zélie, comme toujours quand vous sortez de votre cours, mais vous êtes de tout de même disposée à me voir d'habitude. Goba et Chitral sont toutes deux prêtes. La palefrenière s'est occupée de Goba. Nous n'avons plus qu'à partir. Zélie tomba des nues. Elle avait complètement oublié sa servante. Elle ne pouvait l'emmener avec elle à l'oasis. Elle n'allait pas lui montrer les pilotes. Elle ne pouvait pas et au fond d'elle-même ne voulait pas. Il était vrai qu'elle n'avait jamais eu de secret pour son amie humaine. Mais dans le cas présent, la princesse n'envisageait pas de révéler l'existence de ce mystérieux inconnu à qui que ce fût. Elle n'avait pas envie, pour une raison qui lui échappait, mais cela devait probablement être lié à la sensation qui l'avait envahie quand elle l'avait observée dans la grotte, d'informer sa meilleure amie de sa découverte. « Mimisha, tu devrais rester ici aujourd'hui. Je te prie de m'excuser, mais j'ai plus envie d'une promenade en solitaire. Tu ne m'en veux pas trop ?»« Princesse Zélie, vous êtes ma maîtresse, vous faites comme vous le désirez, et je me plie à vos ordres. » La servante n'oubliait jamais sa place face à sa maîtresse, mais Zélie savait que malgré ses paroles, Mimisha était douée pour faire passer sa véritable pensée dans le ton employé. « Mimisha, tu m'en veux donc. Quand tu as emploi ce ton-là avec moi, c'est que tu as vexé, je le sais bien. » « Princesse Zélie, pas du tout, seulement vous êtes ma maîtresse, et je ne suis ici que pour vous servir. » Mimisha, ne fais pas ta tête de bolbolco. Je te demande de ne pas la prendre mal. Ça n'a rien à voir avec toi ou quoi que ce soit d'autre, c'est... La cérémonie d'implantation a été éprouvante, et c'est une étape cruciale dans mon règne, et j'ai besoin de m'isoler pour méditer. Je pensais que tu l'aurais deviné. Tu es tellement au fait de nos coutumes. Je te considère plus comme une upléenne ou comme une terrienne. C'est ma faute, j'aurais dû t'en informer quand nous nous sommes quittés hier. Princesse Zélie, c'est à mon tour de vous présenter toutes mes plus sincères excuses. J'aurais dû comprendre tout de suite que vous aviez besoin de vous retrouver seule pour réfléchir à votre avenir de reine. Mimisha, annonce n'est rien. Nous reverrons tout à l'heure. Cette fois, la voix de Mimisha était pleine de sincérité. Zélie pouvait se sauver sans la savoir fâchée, mais c'était son mensonge qui la faisait culpabiliser maintenant. La princesse ne s'attarda pas plus longtemps, et se changea en moins de 5 minutes. Elle envoya voltiger ses habits princiers pour enfiler à la place les vêtements les plus commodes qui lui tombèrent sous la main. Zélie n'était pas fière d'avoir ainsi menti à sa confidente. C'était bien la première fois que ça lui arrivait. Elle n'avait rien trouvé de mieux pour ôter du visage de Mimisha cet air piqué qu'elle avait pris. La cérémonie d'implantation était tombée au bon moment, et elle lui avait offert un parfait prétexte, ce qui serait valable que cette fois-ci. Cependant, il est impossible de dire dans quel état seraient les choses d'ici 32 heures. Alors réfléchir pour 72 heures n'était vraiment pas une priorité. Pour le plus grand plaisir de sa cavalière, Goba semblait encore plus en forme ce jour-là, et parcourait avec entrain le chemin menant à l'oasis. Zélie le laissait choisir la route qu'il désirait emprunter, ne pouvant tenir ses rênes que d'une seule main à cause de la douleur de son bras. Malgré son impatience d'être sur les lieux au plus vite, Zélé trouva le moyen d'apprécier la balade. Elle était presque arrivée, il n'y avait plus le moindre risque qu'un obstacle se dressât devant elle. Dans peu de temps, elle retrouverait son mystérieux inconnu, et ils feraient enfin connaissance. Elle n'avait pas fait de fausses notes, elle avait bien chargé dans les sacoches de la selle tout ce qu'elle avait prévu pour son hôte, tout le nécessaire à ses soins et à sa survie. La princesse se dit qu'elle donnerait certainement une merveilleuse impression sur l'hospitalité de sa planète quand le pilote découvrirait toutes les attentions dont il faisait l'objet. Il était tout juste 28 heures quand Zélé arriva à la grotte. Elle stoppa Goba devant l'entrée et se tint assise à fixer le tunnel obscur en face d'elle. La princesse mit finalement pied à terre, extirpa tout son attirail des sacoches de la selle et pénétra dans le labyrinthe. Elle espéra que l'étranger ne s'était pas aventuré à la recherche de la sortie à son réveil. Il était facile de s'y perdre, surtout dans le noir complet. De son côté, elle n'eut aucun mal à retrouver la salle où elle avait laissé le pilote. Jusque-là, elle avait avancé avec pour seule lumière celle apportée par ses lentilles de contact protectrices, mais en arrivant à l'ouverture de la salle, elle prit une lampe torche et éclaira les lieux davantage qu'il ne l'était déjà avec les rayons qui filtraient par le plafond. Le corps de l'inconnu gisait sur la paillasse tressée, inerte. Zélé s'était attendue à le trouver éveillé. Elle resta debout sans avancer, elle pouvait pleinement l'observer en pied. Il avait pour seul vêtement un pantalon court, beige, qui ne dépassait pas les genoux, fait d'un textile végétal. À pouvoir ainsi scruter ses membres et son torse découvert, Zélé ne put s'empêcher de penser que sa morphologie était celle d'un mifien. À pas de loup, elle se rapprocha. Son regard s'attarda d'abord sur un bracelet artisanal au motif enfantin. Elle remonta le long du bras et inclina légèrement la tête pour mieux étudier son visage. Sous la poussière et le sang coagulé, une peau bleue, plus sombre que la sienne et luisante, se distinguait. Son cuir, taillé court, était d'un bleu marine translucide. Il avait une seule lèvre inférieure, comme les malnifiens, alors que les femelles, comme Zélé, avaient une seule lèvre supérieure. Était-il possible qu'il fût un nupléen souffrant de la même maladie qu'elle? Même si elle ne souhaitait à personne d'avoir ses problèmes de santé, Zélé se plut à croire que quelque part, quelqu'un pût être comme elle. À la vitesse que cette idée saugrenue lui était venue, une autre, plus inquiétante, prit place dans son esprit. Il était exactement dans la même position que lorsqu'elle l'avait quitté. Zélé compara sa position actuelle avec celle enregistrée dans son souvenir d'implant, et il n'avait pas bougé d'un pouce. Une certaine angoisse la saisit, et elle se jeta à son chevet, sans attendre davantage. À l'aide de son implant, elle tenta de détecter une trace d'émission proche pour s'assurer que l'implant que le pilote pouvait avoir au cerveau fonctionnait toujours. Rien. Aucun signal ne lui parvenait. De ses deux mains, elle le palpa et tenta d'identifier s'il y avait toujours un souffle en lui. Au moins, son corps était chaud. S'il était mort, ce ne devait pas être depuis plusieurs heures. Après avoir tâté son pouce en succès, elle appliqua sa pointe auditive droite contre le torse plat de l'étranger et se concentra pour détecter un battement. La grotte était parfaitement silencieuse. Aucun bruit de l'extérieur ne pénétrait aussi profondément, mais les battements sourds du cœur de Zélé suffisaient à troubler sa perception. Sa vision était floue et embuée, les paupières un peu collées par les larmes séchées de la poussière. Il ouvrit à moitié les yeux. Quelques larmes perlèrent sur son visage. Et après avoir fixé le plafond plusieurs secondes, il baissa son regard et vit le sommet d'un crâne. Une tête était reposée sur son torse. Une tête gracile, à la peau bleu clair, au cuir fin translucide, une vision familière. Xenia ? Sa voix était égarée, comme lorsque l'on vient de se réveiller et que l'on rassemble ses esprits. Zélu perçut le chuchotement immédiatement. Elle décolla sa tête de quelques centimètres de l'inconnu, redressa tout doucement son buste et tourna la tête pour le fixer dans les yeux. Il la regardait, avec des yeux tout aussi ronds que les siens. Mais les siens étaient de couleur jaune, comme ceux de tous les magnifiens. Ils restèrent tous les deux interdits, un instant, leurs deux regards liés par un fil invisible. À observer la femelle qui se tenait devant lui, il comprit qu'il avait fait erreur. Ses yeux étaient bleus et non roses. Le silence devenait maintenant pesant, et il parla le premier. « Navré, tu n'es pas Xenia, à y voir de plus près. Où suis-je? Qui es-tu ?» Zélé ne comprit pas ce qu'il venait de dire. À vrai dire, elle n'était même pas sûre que le son qu'il venait d'émettre était un langage. Si c'était agi d'un langage, son implant aurait immédiatement traduit la phrase, et elle aurait uniquement entendu de l'upléen, et non ce son étrange qui ressemblait à une douce mélodie émise par un instrument avant. Magnanime, elle préféra faire fi de ce premier contact et lui fit un résumé de la situation. « Étranger, votre vaisseau s'est écrasé et j'avoue conduit ici pour... » Pourquoi l'avait-elle conduit ici? À l'instant précis où elle évoquait ses actes de la vieille, Zélé s'apercevait qu'elle était incapable de trouver une raison valable pour expliquer son geste. À peine était-elle entrée dans la salle qu'elle l'avait cru mort. Il était évident que sortir un blessé inconscient d'un vaisseau craché et le cacher dans une grotte était tout, sauf une conduite recommandée et responsable. Sa première pensée de laisser une impression de bon accueil sur Eupléas lui paraissait bien ridicule à présent. À cause de sa manière irréfléchie d'agir, il aurait pu mourir. Encore maintenant, peut-être était-il en proie à une hémorragie interne. Mise au pied du mur par sa propre analyse, Zélé ne trouva plus rien à dire et ils se retrouvèrent au même point qu'après le réveil du pilote. « Tu es d'un autre secteur ? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. » La mélodie était trop longue et complexe pour qu'il s'agisse d'un simple sifflement. C'était une phrase, Zélé en était maintenant certaine, mais son implant ne lui renvoyait rien, aucune traduction, pas même un choix entre plusieurs dialectes. L'étranger avait accompagné sa question de gestes, comme pour mieux se faire comprendre, conscient qu'il ne parlait pas la même langue. Zélé posa sur lui un regard impuissant. Elle ne comprenait rien à ce qu'il semblait chanter. Elle ne faisait que supposer où était la séparation des mots. À chaque réunion, sommet d'état intergalactique, toutes les personnes présentes possédaient un implant et chacun avait immédiatement une traduction dans sa langue, allant jusqu'à complètement ignorer à quoi pouvait ressembler la langue de l'interlocuteur. Tout ce qu'ils entendaient, c'était leur langue. Elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle pouvait faire ou dire pour débloquer la situation. Elle avait beau chercher des aides sur le Rezar, il n'y avait pas vraiment d'informations sur le sujet, et le peu qu'elle trouvait ne convenait guère. L'étranger se redressa péniblement et se mit sur son séant. La position allongée n'était pas très propice à l'établissement d'une communication. Il posa à plat la paume de sa main, dotée de 2 pouces et de 2 longs doigts centraux sur son torse, pour se présenter et inviter son interlocutrice à faire de même. Ormaïn. Le bref sifflement mélodieux charma les sens auditifs de la princesse. Il lui sembla comprendre ce qu'il tentait de faire. Elle s'approcha de lui et exécuta le même geste. Zélé. Ormaïn lui sourit et tenta de la pointer de son doigt en répétant son nom. L'articulation fut difficile et les voyelles sortirent bien mieux que les consonnes. Zélé, en revanche, ignorait totalement comment elle aurait pu jouer un mot. Cet endroit ne m'est pas familier, comment suis-je arrivé là? Il prenait un soin particulier dans la formation de ses phrases et Zélé se surprit à penser qu'elle pouvait comprendre ce qu'il disait. « Étranger, votre vaisseau s'est écrasé. » Elle mima un vaisseau d'une main et piqua vers le sol pour taper du poing sur la terre. Zélé était plutôt fière de sa simulation improvisée, mais les yeux d'Ormaïn prouvaient qu'elle était la seule à comprendre ce qu'elle expliquait. « La communication va être simple, » ironisa-t-il. « Il fait chaud ici, je meurs de soif. J'ai faim aussi. » Par la main qu'il posa sur son estomac et le mot « faim » qu'elle crut identifier, Zélé sortit de son sac des pilules alimentaires. Il les lui tendit, ainsi qu'une gourde. Quand il les eut en main, elle évacua les lieux. La bienséance suppléenne voulait que l'on ne regarde pas quelqu'un manger. Ceci appartenant aux besoins primaires, chacun avait droit à son intimité pour le satisfaire. Ormaïn fut légèrement étonné du comportement de son hôte, mais il but d'une traite tout le contenu de la gourde, sans se poser plus de questions. Par contre, il toisa d'un air dubitatif les pilules. À quoi servait-elle? Que veut-il faire de ces 2 petits graviers blancs? Il les rangea dans sa poche, non déchirée de son pantalon, sans réfléchir davantage. Il se leva et alla à sa rencontre autour des ailés, dans le couloir sombre de la grotte. Aucune racine fluorescente dans les parois? Ormaïn commençait franchement à se demander où il pouvait se trouver. Cette grotte ne lui disait strictement rien. Il faisait incroyablement chaud, tellement chaud qu'il sentait sa peau sèche lui tirer. Les labyrinthes étaient obscurs, aucune racine naturellement fluorescente ou torches enflammées ne les ornait pour éclairer. Il ne connaissait pas cet endroit. Zélé retourna chercher la lampe torche qu'elle avait laissée sur le sol, dans la salle, et lui fit signe de la suivre vers la sortie. Ormaï lui parut intrigué par la lampe, si bien qu'il la toucha plusieurs fois, du bout de sa griffe rouge, et elle le laissa la tenir jusqu'à ce qu'ils arrivassent à l'extérieur, après quoi elle dut lui arracher des mains pour l'éteindre, sans quoi il serait resté à jouer avec, le visage orné d'un sourire béat. Entrer en contact avec la moiteur environnante de la serre fit un bien fou à Ormaïn, qui en soupira d'aise. Après sa première profonde inspiration, il en oublia la privation de la torche. Un frisson parcourut sa peau bleue, elle réagissait déjà à l'humidité ambiante. Goba, qui attendait à l'ouverture du tunnel, regarda d'un œil dénué d'intérêt le rescapé et continua à arracher des plantes avec ses lèvres rêches. Le bruit de l'estomac d'Ormaïn s'intensifia quand il posa les yeux sur toutes les feuilles gorgées de sève qui les entouraient. Il en cueillit une, puis deux, pour enfin en enfourner toute une poignée dans sa bouche. Le voyant faire, Zélé détourna rapidement le regard, embarrassé. Elle patienta quelques instants et se dit qu'elle ne pouvait attendre qu'il ait fini d'avaler des feuilles pour obtenir les réponses à ses questions. Dans le mutisme installé entre eux, elle lui saisit le bras et l'emmena au ravin creusé par le crash. Le vaisseau encastré dans la terre ne dégageait plus aucune fumée, et toutes les lumières du tableau de bord étaient désormais éteintes. Toutes les alimentations devaient être vidées. Le trou béant dans la serre laissait entrer l'air aride huppléen, et les plantes alentour commençaient déjà à souffrir de la chaleur. Les alvéoles artificielles constituant le dôme de cratère s'étaient en partie reconnectées les unes aux autres, mais il restait tout de même une surface ouverte. Il fallait espérer que le système ne mettrait pas trop de temps à se réparer, sinon la microcosme de l'oasis risquait de beaucoup en pâtir. Ormaïn observa les décombres, et des souvenirs commencèrent à jaillir dans son esprit. Des éléments lui revenaient en mémoire, par flash, et il tentait de les mettre bout à bout, dans un ordre logique, pour reformer les circonstances qui l'avaient amené dans cet endroit, inconnu, aux allures toutefois familières. Il s'était introduit en douce à bord du NL2BR, pour connaître sa destination. Mais en voyant que celui-ci s'élevait vraiment très haut dans le ciel, à tel point que le sol ne lui paraissait plus droit mais arrondi, il avait compris que les choses allaient prendre une ampleur qui le dépasserait. Au fur et à mesure que le vaisseau prenait de l'altitude, Ormaïn s'était senti devenir de plus en plus faible. Comme étourdi, il avait eu du mal à garder son équilibre, et il avait même vacillé un moment, se sentant défaillir. Il avait cherché à s'accrocher à la première chose qu'il avait à portée de main, le montant de l'étagère juste à côté de lui. Son coude avait alors heurté une pile de boîtes, et tout était tombé au sol dans un fracas métallique peu discret. Ce fut à ce moment-là qu'il entendit le pilote s'exclamer de surprise. De toute évidence, il allait être découvert. Ormaïn s'était saisi d'une des boîtes en fer, la plus lourde, et avait espéré qu'il pourrait maîtriser le pilote venant à lui. Avant de se faufiler à bord, il avait pu voir qu'il s'agissait d'un culirmus à pointe, un vrai gringalet, sur lequel il n'aurait pas de mal à avoir le dessus dans un combat au corps à corps. Ormaïn se souvint de la peur grandissante qu'il avait ressentie lorsque le bruit des pas du pilote s'était arrêté devant la porte coulissante et que son ombre s'était mise à faire obstacle à la lumière qui filtrait au ras du sol. Il s'était alors plaqué contre la cloison, brandissant la boîte métallique de ses longs bras fins, et avait assommé le pilote dès qu'il était entré. Sans hésiter, presque pris de panique à la vision du bout du nez épineux du culirmus. La voix de l'intelligence artificielle du vaisseau avait alors attiré son attention et il s'était avancé vers le tableau de bord. Confirmation, mise en marche pilote automatique, en attente. Saisir coordonnées destination pour validation. Ormaïn avait reconnu que c'était la langue utilisée par les mercenaires, mais il ne la parlait pas. Il la comprenait simplement un peu. Et puis, quelle destination devait-il donner? Il ne s'était pas attendu à partir si haut dans le ciel. Ce qu'il aurait voulu, c'était rentrer chez lui. Et avant tout, il n'aurait comment saisir une destination. Temps écoulé. Destination programmée automatiquement. Prochaine planète viable. Prochaine planète viable identifiée. Upléas. Destination Upléas. Ormaïn se rappelait s'être approché en titubant du tableau de bord, pour tenter de comprendre quelque chose aux rangées de boutons étalés devant lui, mais il fut pris d'un grand vertige et perdu connaissance. Lorsqu'il s'était réveillé, le ciel n'était plus noir et étoilé, mais vert. La terre apparaissait à l'horizon. Lors de la pénétration dans l'atmosphère du Pléas, les voyants s'étaient éteints, d'un coup, et Ormaïn, impuissant, avait vu le sol se rapprocher à une vitesse folle de la cabine de pilotage. C'était là tout ce dont il se souvenait. Il avait dû perdre connaissance lors du choc, ou peut-être même avant. Maintenant que ces événements étaient limpides dans son esprit, il regarda Zélé d'un œil nouveau, et les réponses aux questions qui le troublaient, quelques minutes plus tôt, lui éclataient à la figure. « Nous ne sommes pas sur la même planète, c'est ça ? » demanda-t-il. Il se sentait stupide de prononcer une telle phrase. Était-ce seulement possible ? La vie existait-elle ? La vie existait-elle ailleurs ? Cette alien qu'il avait devant ses yeux lui était tellement similaire qu'en reprenant ses esprits, elle lui était apparue comme son épouse Xenia. La mise au point faite, il s'était rendu compte de sa méprise, bien qu'une ressemblance troublante pût être dénotée. Mais s'il était bel et bien sur une autre planète, y en avait-il encore d'autres habités ? Y en avait-il beaucoup ? Tous les habitants étaient-ils à leur image ? Tous les mondes étaient-ils régis par comme le sien ? Les mercenaires d'une autre espèce intelligente les gouvernaient-ils ? Si tu es une alien, nous ne risquons décidément pas de réussir à communiquer. Et puis le langage des signes me semble bien limité pour tout ce que j'aurais à te demander. Ormain essayait de parler plus lentement, et de bien détacher chaque son. Mais la base même de leurs deux langues sonnait si peu commune qu'il n'imaginait pas que ses efforts de formulation amélioraient le contact. Cependant, Zélé l'observait se concentrer avec insistance pour réceptionner quelques mots. Elle avait remarqué que son interlocuteur avait ralenti son débit de parole, et les sifflements produits lui paraissaient désormais plus accessibles, voire familiers. Un court silence s'écoula. Zélé avait fermé les yeux pour mettre de l'ordre dans les nouvelles informations qu'elle archivait, et tentait de classer tout ce que l'étranger avait dit depuis le début de leur échange. Après avoir invité Ormain à parler davantage, il lui sembla remarquer que ses phrases se construisaient comme celles de la langue upléenne. Enfin, elle se concentra du mieux qu'elle put pour imiter Ormain et lui répondre. « Si tu viens autre planète, ici, tu alien. » La stupéfaction du visage d'Ormain étira son visage triangulaire pour le passer de l'équilatéral à l'isocèle. « Tu me comprends ? Tu peux me parler ? Si tu as dit « pas simple » aussi ? Non, c'est parfait !» Pour un premier dialogue, les mots jusqu'ici employés par Ormain avaient été suffisants pour que la princesse improvisât quelques sifflements. Un vocabulaire plus étendu était cependant nécessaire pour dialoguer davantage. L'implant de Zélé enregistrait tout ce que disait Ormain, et selon ce qu'elle comprenait, et qui était attesté par les réponses explicites de l'étranger, elle se formait un petit lexique cérébral, et elle le fit beaucoup parler pour remplir au maximum sa base de données. « Sur quelle planète sommes-nous ? Ce n'est pas la mienne ?» Cette planète être Upléas. Si ne pas être le nom de ta planète, conclusion, tu être sur une autre planète que la tienne, oui. Y a-t-il de l'eau, pas loin? Je dois vraiment m'hydrater et je vais mourir de soif. Ormain ne cherchait pas spécialement à changer de sujet, mais l'humidité ambiante et l'eau qui lui avait été offerte ne lui avaient pas permis de complètement se remettre. Zélé le quitta un instant pour prendre une autre gourde dans une sacoche de la selle de Goba. À son approche, le Bolbolco frotta avec tendresse sa tempe sur le flanc de sa maîtresse. Comme elle prenait conscience qu'elle l'avait un peu négligé depuis leur arrivée dans l'oasis, Zélé s'accorda un instant pour témoigner de l'affection à sa monture. Elle revint ensuite vers Ormain et lui tendit la gourde. « Non, pas comme ça, une étendue d'eau, un étang ?»« Oh, suivre-moi !» La demande était bien étrange pour la princesse. Mais comment savoir ce que pouvait demander un alien venu d'un monde introuvable sur le Rézarque ? Tous les deux assis à califourchon sur le dos de Goba, ils pénétrèrent au cœur de l'oasis, s'enfonçant de plus en plus dans les feuillages chlorophylliens touffus, dégageant de l'oxygène en abondance. Le chemin à peine tracé déboucha sur une clairière, où s'étalait un étang aux berges bordées de roseaux et d'un ponton en bois. À cette vision paradisiaque, Ormain ne se contint plus. Il sauta du dos du Bolbolco, et courut à toutes jambes vers le ponton qui s'avançait dans l'étang. Juste au moment où la pointe de son pied atteignit la dernière planche, limitant le rebord, il s'élança et sauta à l'eau, dans un plongeon si parfaitement exécuté qu'il ne créa presque aucune vague. Zélé mit pied à terre, à son tour, avec moins d'ardeur, et s'approcha du rivage pour guetter le retour à la surface d'Ormain. Zélé trouva le temps long. Il ne remontait pas. S'inquiétant et mal à l'aise, elle se décida à s'enfoncer dans l'eau, prit une longue inspiration et plongea sous la surface à sa recherche. Elle sentit l'eau s'infiltrer à l'intérieur du bracelet qui entourait son avant-bras, et le contact de la plaie avec le liquide la soulagea infiniment. À parler avec Ormaïne, elle en avait un peu oublié la douleur de son bras, mais le souvenir de la souffrance se raviva en ressentant un tel apaisement. La princesse se serait volontiers laissée aller davantage à la décontraction si elle n'avait eu son hôte à sauver de la noyade, pour changer du crash. L'étang était vaste et trop sombre au-delà de 4 mètres de profondeur pour pouvoir distinguer quoi que ce fût. Soudain, elle sentit quelque chose à saisir à la taille. Surprise, elle ouvrit la bouche et but la tasse. Elle toussa sous l'eau et remonta vite à la surface pour cracher ce qui venait d'envahir ses poumons et pour reprendre son souffle. La tête d'Ormaïne surgit hors de l'eau, à côté d'elle. Fou ! Dans sa surprise et sa peur, Zélé avait failli gifler Ormaïne, mais s'était contenue. Elle dégagea son bras de l'emprise de sa main et le repoussa de la paume en même temps qu'elle battait des jambes pour s'éloigner de lui. Navré, mais tu ne respirais pas ? Tu pouvoir respirer haut ? Tu ne le peux pas ? La question de Zélé avait été presque formulée comme une incongruité, laissant entendre à Ormaïne que personne ne pouvait respirer sous l'eau. Ormaïne, par contre, avait posé sa question sur le ton le plus naturel du monde. Il pointa de sa longue griffe ses fentes auditives. Quand il était encore dans la jungle, un peu plus tôt, il aurait juré que ses fentes auditives étaient plus fines. Là, comme il les lui pointait, elles étaient dilatées et frémissantes, comme les ouïes d'un poisson. Tu respirais avec ça? Toi non, tu en as pourtant aussi. Les Upléens ne pas respirer sous l'eau. Je ne suis pas comme toi. Zélé coupa court à la conversation, nagea vers la berge et sortit de l'étang. Trempée, elle voulut retirer ses vêtements pour les mettre à sécher. Mais elle n'en avait pas de rechange. Comme cet endroit lui était réservé et que la seule personne qui pouvait l'accompagner était sa servante Mimicha, elle se contentait de se baigner nue, et en cas de doute, le protocole lui interdisait de se montrer déshabillée devant un étranger, cela ne convenant pas à toutes les cultures. Et puis elle se souvint qu'il y avait quelques années encore, elle nageait en maillot de bain. Et c'était il n'y avait pas si longtemps qu'elle avait pris ainsi ses aises, et que celui-ci devait être encore rangé dans la cabane, à quelques pas de l'étang. Elle ressortit revêtue de son vieux monokini, heureusement extensible car Zélé sentait le tissu tirer de ses épaules à ses fesses, et alla étendre son pantacourt et sa tunique sur les branches d'un arbre. Pendant qu'elle essorait et accrochait son linge, en lui tournant le dos et décidée à l'ignorer, Ormaïne examina sa silhouette et la trouva particulièrement maigre au niveau de la taille. Son ventre était rentré, comme s'il était vide de tout intestin. Quelque peu horrifiée par cette vision, qui venait gâcher le reste des formes idéales de la princesse, il ne put se retenir de palper son propre abdomen de la main, comme pour s'assurer qu'il n'était pas dans le même état. Vêtue de son simple maillot de bain, Zélé ne pouvait partir. Si elle regagnait le palais ainsi accoutrée, elle attirerait l'attention et elle savait d'emblée que Mimicha serait à l'affût de son retour. Zélé devait attendre en compagnie de cet étranger qui l'avait froissée. Elle finit par se convaincre de faire preuve d'indulgence, qu'elle avait pris la mouche un peu trop facilement, et fit de nouveau face à Ormaïne. Après tout, il n'avait sans doute pas pensé à mal, et elle n'aurait jamais dû perdre son sang-froid pour une telle broutille. Lors des réunions intergalactiques du comète, les membres étaient tous connectés au Rézar, qui connaissaient tous les moindres caractéristiques de leurs interlocuteurs. Les incidents diplomatiques, depuis l'apparition de l'implant U, étaient quasi inexistants. Ormaïne ignorait tout de sa civilisation et de son espèce. Il était normal qu'il fît des remarques saugrenues. Tout ce qu'il pouvait dire devait glisser sur elle comme le vent. Son rôle de reine lui ferait connaître bien pire, elle n'en doutait pas. Et réprimer plus longtemps cette envie folle de lui parler lui était impossible. Elle reprit la conversation avec Ormaïne, qui se contenta de lui répondre sans tenir compte davantage de sa saute d'humeur, pour continuer à enrichir son vocabulaire et à apprendre à conjuguer les verbes. C'était bien la première fois qu'un cours réel l'intéressait tant. Ormaïne l'intriguait et la fascinait. Il se révélait également doué pour comprendre ses demandes et pour l'instruire. Après plusieurs heures de discussion et d'apprentissage, l'implant U de Zélé lui rappela que l'heure était venue de rentrer au palais. Avec son retard de la veille, elle avait programmé tous les jours quand l'heure du départ sonnait. « Il est 2 heures passées, je dois rentrer chez moi. »« Ce n'est pas ici, chez toi ?»« Non, ici c'est mon oasis. Upléas n'est pas verte partout comme ici. C'est un désert de sable, » expliqua Zélé. « Un désert ?»« Oui, sur cette planète, il n'y a rien d'autre que des étendues vierges de sable et de roches, Ce cratère est une exception. Mais comment vivez-vous alors ? Demanda Ormaïn. Eh bien, c'est notre monde, notre environnement. C'est normal pour nous de vivre dans ce climat. Ceci dit, les habitations sont aménagées dans les failles, pas à la surface. Que viens-tu faire ici ? C'est étrange, je trouve. Il me semble impossible de vivre dans un désert, sec. Sans eau, sans cet étang, là, où m'hydrater. Pourquoi n'avez-vous pas les mêmes besoins ? Je ne vois pas vraiment de différence entre toi et une femelle de mon espèce, fit remarquer Ormaïn. Tu es le seul à voir cela, je ne trouve pas que nous nous ressemblions. En fait, nous n'avons rien en commun, s'énerva Zélé. L'air pincé, Zélé retira ses jambes qui trempaient dans l'eau et enfila ses vêtements secs en toute hâte, sans prendre le temps de retirer son maillot étroit. D'une sacoche de la selle de Goba, elle sortait des provisions, un paquet entier de pilules alimentaires et la gourde d'eau qu'Ormaïn avait refusée quelques heures auparavant. Elle déposa le tout sur le ponton, jetant au passage un coup d'œil rageur à Ormaïn, et avant de quitter les lieux, aussi vite que le galop de Goba le lui permit, elle prit tout de même le temps de lancer « Le climat du Pléas est parfait pour nous. Je suis un être nifien, comme mon peuple, mais je suis malade et j'ai besoin de cette oasis. » Sur le chemin du retour, la princesse ne put retenir davantage ses larmes et les laissa couler. Elle passa sa main sur l'encolure de Goba pour lui signifier qu'il n'avait pas à s'inquiéter et qu'il pouvait continuer à avancer. Elle avait rompu la promesse qu'elle s'était faite en un temps record. Quelques heures plus tôt, elle s'était froissée face à l'étonnement d'Ormaïn, constatant que ses fentes auditives ne lui servaient pas également de fentes branchiales, et voilà qu'elle ne piquait à nouveau. En comparaison avec ce qu'il venait de lui dire, sa première remarque était une broutille, et elle n'aurait jamais dû s'énerver à ce moment-là. Mais cette fois, cela n'avait rien à voir. Il venait de lui rejeter en pleine face sa différence, sa maladie qu'elle essayait d'oublier, mais qui la forçait à vivre différemment au quotidien. Elle était dans l'incapacité de faire abstraction d'une telle remarque, mais elle savait aussi qu'elle ne devait pas l'en tenir pour responsable, Ormaïn n'avait jamais pensé la blesser. Cet être venait d'une autre planète, il n'était pas de son espèce, il n'était pas un nifien, souffrant du même mal qu'elle. En le dévisageant dans la grotte quelques heures plus tôt, elle s'était presque convaincue que c'était possible, qu'elle n'était pas un cas unique, qu'elle n'était pas un monstre, une incongruité. Et c'était sans doute cette idée qui la chagrinait en cet instant. Ce n'était pas de se rappeler qu'elle devrait vivre différemment, mais qu'elle était seule. Zélé repensa au vaisseau craché. Fallait-il le laisser là ? Une chose était sûre, elle se refusait à révéler la présence d'Ormaïn. Une intuition lui disait de se taire, de le garder caché dans l'oasis. L'entrée dans l'atmosphère du vaisseau NL2BR s'était faite du nord-est, où se trouvaient les immenses plaines désertiques où nul citoyen ne vivait. Les seuls témoins envisageables étaient les troupeaux sauvages, personne donc pour signaler un crash. Si jamais l'information remontait à la reine, Zélé ne doutait pas qu'elle ferait tout pour empêcher qu'une équipe investît le cratère vert. La princesse se dit qu'au pire des cas, même si le vaisseau était découvert, rien ne mènerait à Ormaïn. Mais elle devrait expliquer à sa mère pourquoi elle ne l'avait pas alertée de l'accident. D'un autre côté, peut-être aussi était-elle mal pris dans ses recherches et analyses sur le Rézark, et sa mère aurait tôt fait de lui signaler d'où provenait ce vaisseau, que cette histoire n'avait rien d'incroyable et qu'elle était un peu trop emportée par sa soif d'aventure.